Le porte-parole de la société de Liaoning de l'Association générale des Coréens en Chine a publié le 11 une communication. Il a critiqué la conspiration des impérialistes américains et des fanas de guerre sud-coréens pour l'élimination de notre direction suprême et les frappes préventives et souligné l'intention de tous les membres de la société de s'engager comme un seul dans la lutte sacrée pour la défense de notre dignité suprême avec les compatriotes de la patrie. Par ailleurs, l'Association internationale des Coréens pour la réunification et la délégation de l'Association des Coréens au Kyrgyzstan pour la réunification qui avaient visité la patrie ont publié respectivement un appel contre l'hostilité américaine à l'égard de la République populaire démocratique de Corée.